الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc nous continuons toujours notre lecture ainsi que certains commentaires sur le livre intitulé Al-Wajiz fi fiqh as-sunnah wal kitab al-aziz de Abd al-Azim ibn Badawi al-Khilafi. Concernant le cours de la semaine dernière, on avait parlé des grands lavages, des cas plutôt, où le grand lavage était préférable et non obligatoire. Combien y en a-t-il en tout ? Combien de cas avions-nous cité la semaine dernière dans lesquels le grand lavage est préférable et non obligatoire ? Combien ? 8. Qui peut les citer ? Le premier qu'on avait cité. Il y a un problème quelque part. Personne ne peut me citer ? Non, hein ? La conversion ? La conversion, on avait dit que c'était quoi ? C'était obligatoire ou préférable ? Obligatoire. Là, la question, c'est les cas dans lesquels le grand lavage est préférable. Lavage du mort. Celui qui lave le mort, malgré que la manité, il fait la passion. Celui qui lave un mort, il lui est préférable de faire le refus. Après avoir lavé. Ensuite, donc il y en a un. Après l'évanouissement. Naam. Pour la personne qui veut faire avoir d'autres rapports avec sa femme, de faire le refus après chaque rapport. C'est très préférable. Naam. En état d'ihram. Pour la femme qui a des hémorragies. Pour la femme qui a des hémorragies. Et on avait cité la parole des savants à ce sujet. Concernant Al-Mustahaba, on avait dit que l'auteur du livre considère qu'il est préférable à la femme qui a des hémorragies. On avait expliqué ce que c'était l'hémorragie, c'est le sang qui sort de la femme en dehors de ses périodes de menstrues et de l'oshi. Et on avait dit que la chose obligatoire que devait faire la femme atteinte de ce type de sang est de faire, il est obligatoire de faire les ablutions avant chaque prière. Ça, c'est obligatoire. Et concernant ce qui lui est préférable, certains savants disent qu'il lui est préférable de faire al-rusul avant chaque prière, et d'autres savants qui disent qu'il lui est préférable de faire le rusul avant chaque prière, mais à condition qu'elle fasse, qu'elle les regroupe. Et les savants comme Cheikh Mu'taymin, Cheikh Fawzan, qu'Allah fasse miséricorde au premier et préserve le second, ils disent que le rusul doit être la femme qui a le mustahaba, qui est mustahaba, doit faire le rusul. Il lui est préférable de faire le rusul à condition qu'elle rassemble les prières. Et lorsqu'elle fait le rusul en rassemblant les prières, elle n'aura que 3 rusul à faire. Contrairement à la femme qui compte faire le rusul avant chaque prière, les savants disent que c'est une mashaqqa, que c'est une contrainte pour la femme. Et que les hadiths qui ont été rapportés, qui rapportent le rusul, rapportent comme le hadith qu'on avait cité la semaine dernière, le prophète sallam a dit à cette femme de faire le rusul, mais juste avant, qu'est-ce qu'il lui avait dit ? De rassembler les prières. Juste avant, il lui a dit de rassembler les prières et avant chaque prière de faire le rusul. Donc ça, c'est l'avis le plus sûr, inshallah tabaraka wa ta'ala, c'est que la femme qui veut faire le rusul, il lui est préférable de le faire à la condition de rassembler les prières. Naam. Donc là, on était à 5. Naam. Avant d'entrer à la Mecque, il est préférable de faire le rusul. En fait, si. Avant les Avant l'Aïd ou pendant? Avant la Salat. Naam. Le jour de l'Aïd, on a dit. Le jour de l'Aïd et de Arafat. Naam. Le dernier. Ça fait 7. Je vois la vie, c'est obligatoire. La vie le plus sûr, c'est que c'est obligatoire. Le huitième. Ibn Abbas, ça vous dit rien? Hadith Ibn Abbas. Hadith Ali. Hadith Ali Ibn Abi Talib. Lorsque Abu Talib est décédé, Qui l'a enterré? Abu Talib est mort non musulman et c'est Ali radiallahu anhu, son fils, qui l'a enterré. Et il est parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit d'aller faire le ghusl. فقال لي اغتسل. نعم. Faut réviser les cours, les frères. Abu. Non, ceux qui sont ici, pas ceux qui sont là-bas. Alors, au sud, il concerne ceux qui sont ceux qui ne sont pas en état de hajj. طيب, on continue, inshallah, tabarak wa ta'ala. Thaniyan, يقول المؤلف الطهارة بالصعيد, التيمم. Donc, on est toujours dans le livre de la purification. Et là, le cheikh, après avoir cité la purification avec l'eau, d'accord ? C'est le premier paragraphe, la purification par l'eau. Maintenant, le cheikh rentre dans le chapitre de la purification par as-sa'id. As-sa'id, en arabe, c'est tout ce qui fait tout ce qui est à la surface de la terre et qui fait partie d'elle. Tout ce qui est à la surface de la terre faisant partie d'elle, faisant partie de la terre. Parce que si on dit tout ce qui est à la surface de la terre, toute chose peut être à la surface de la terre. Il faut que ce soit une chose qui soit à la surface de la terre et qui fasse partie de la terre. At-taharatu bis-sa'id. Entre parenthèses, at-tayammum. Et at-tayammum, la définition de tayammum, donc le savant, lorsqu'il explique un terme, il explique tout d'abord son sens littéraire, son sens littéral plutôt, le sens au niveau de la langue, et ensuite son sens au niveau de la religion. Parce qu'un terme peut avoir deux sens. Un sens, il peut être compris au niveau de la langue arabe par un sens, et au niveau de la religion dans un autre sens. L'exemple, c'est At-Tayammum. At-Tayammum, en arabe, c'est Al-Qasd. Par exemple, une personne qui dit Tayammamtu al-Madrasa. Tayammamtu al-Madrasa, ay Qasabtu al-Madrasa. Quelqu'un qui vous dit Tayammam tout le monde, qu'est-ce que vous allez lui dire? Ada, il est fou. Non, il n'est pas fou. Il parle de Tayammam dans le sens littéral du terme. Tayammam tout, ay qasat, c'est-à-dire Tayammam tout le monde, c'est-à-dire je m'apprêtais, je me dirige, ou j'ai l'intention de me rendre à l'école. C'est pas Tayammam tout, c'est pas il a appris l'école, il a fait Tayammam avec moi. C'est il a eu l'intention de se diriger vers l'école. Et il y a un verset où Allah subhanahu wa ta'ala cite le verbe tayammama dans un autre sens que celui qui est connu dans le shara. Où Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ayyuha alladhina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum min al-ard wa la tayammamu al-khabitha minhu tunfiqun. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, selon le sens, où vous qui avez cru, donnez des bonnes choses que l'on vous a offertes, donnez des bonnes choses que vous avez récoltées plutôt. Anfiqou min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum min al-ard, et ce que nous vous avons fait sortir de la terre. Alors c'est intéressant, dans ce verset, ordonne aux croyants, lorsqu'ils veulent donner de leur récolte de ce qu'Allah leur a pourvu, de donner les bonnes choses. Et ensuite, Allah Ta'ala dit wala tayammamu al-khabitha minhu tunfiqu. Et n'ayez pas l'intention, ne faites pas, ou plutôt ne donnez pas de ce que vous avez, des mauvaises choses que vous avez récoltées. Yani, ne consacrez pas dans vos aumônes, dans les choses que vous offrez aux gens, ne leur offrez pas seulement les mauvaises choses que vous avez récoltées. Yani, une personne qui est agriculteur, qui récolte des pommes de terre, il ne va pas les donner. Alors, saint Allah, il interdit de donner des pommes de terre pourries en aumône. Non. Infiqou min tayyibati ma kasabtum. Donnez des bonnes choses que vous avez récoltées. Wala tayammamu al-khabith. Ne pensez pas. Alors, saint Allah, ici, nous ordonne, il nous interdit, ne serait-ce que d'avoir l'intention de donner des choses qui sont mauvaises ou pourries. Alors, c'est intéressant ici, là, il utilise le terme Walata yammamu. Et istilahan, c'est-à-dire au niveau de la religion, at-tayammum huwa mashu al-wajhi wal yadayni bi shay'in min as-sa'id. Théologique, le terme théologique, le terme islamique, at-tayammum signifie d'essuyer le visage et les mains avec une partie de as-sa'id. As-sa'id, donc on a dit, c'est tout ce qui sort de la terre et qui en fait partie. مشروعيته قال الله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. الله سبحانه وتعالى dit dans le sens du verset, si vous êtes malade ou en voyage, ou si l'un de vous revient du lieu où il a fait ses besoins, ou si vous avez touché aux femmes, c'est-à-dire si vous avez eu des rapports avec votre femme, et que vous ne treviez de l'eau, alors recourez à la terre pure. Passez-en sur vos visages et vos mains. Donc ça c'est le verset où Allah subhanahu wa ta'ala légifère, car le cheikh a dit mashru'iyyatuhu, c'est-à-dire la preuve que at-tayammum est légiféré. La preuve que at-tayammum est légiféré, la première preuve dans le Coran est le verset que je viens de dire. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين حديث صحيح رواه الترمذي وابو داود والنسائي. Et la preuve également que at-tayammum est légiféré est le hadith du prophète عليه الصلاة والسلام authentique rapporté par at-Tirmidhi, Abu Daoud et al-Nasa'i, où le prophète صلى الله عليه وسلم dit إن الصعيد الطيب. Le sa'id, donc le sa'id, vous connaissez la définition, le sa'id pur, on peut dire la terre pure, et la purification du musulman lorsqu'il ne trouve pas d'eau, même si cela dure 10 ans. Le prophète a dit que la terre pure est une purification pour le musulman lorsqu'il ne trouve pas d'eau, même si cela dure 10 ans, même si cela dure 10 années. الأسباب المبيحة له. يباح التيمم عند العجز عن استعمال الماء لفقده أو خوف ضرر من استعماله لمرض في الجسم أو شدة برد. Les causes qui autorisent la personne, ou les cas qui autorisent le musulman à avoir recours au tayammum. Quelles sont les causes qui permettent au musulman d'avoir recours au tayammum? Le cheikh dit, il est autorisé d'utiliser un tayammum, de faire un tayammum, lorsque la personne n'a pas la possibilité d'utiliser l'eau. Et la non-possibilité d'utiliser l'eau, elle peut avoir lieu pour différentes raisons. Les raisons que le cheikh a citées, les fardihi. Premièrement, lorsque l'eau n'est pas présente, lorsqu'il n'y a pas d'eau. Quand il n'y a pas d'eau, on ne peut pas l'utiliser. C'est normal. Ou خوف ضرر من استعماله لمرض في الجسم أو شدة في البرد. Donc soit la personne ne trouve pas d'eau, donc elle ne peut pas l'utiliser, ou bien alors l'eau est présente, mais la personne ne peut pas l'utiliser parce que soit elle est malade, ou soit il y a un grand froid, soit par temps de grand froid. Donc ce sont les causes, les cas permettent, les situations plutôt, qui permettent aux musulmans d'avoir recours au tayammum. Parce que certaines personnes croient que tayammum, c'est uniquement et seulement lorsqu'il n'y a pas d'eau. C'est pas vrai. Il peut très bien avoir de l'eau, mais la personne ne peut pas l'utiliser. Une personne qui est malade, une personne qui est blessée, une personne qui est en voyage par exemple, et qui a fait des rêves érotiques et se revient le matin, dehors, il y a un froid glacial. Il n'a aucun moyen de réchauffer l'eau, il n'a aucun moyen, il n'a aucun abri pour pouvoir se laver. Qu'est-ce qu'il fait? C'est tayammum. Ensuite, le cheikh va citer 3 hadiths qui prouvent ces 3 situations. An Imran ibn Husayn, رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فصلى بالناس فإذا هو برجل معتزل فقال ما منعك أن تصلي قال أصابتني جنابة ولا ماء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك بالصعيد فإنه يكفيك. حديث متفق عليه. Le premier hadith, c'est le hadith de Imran ibn Husayn, qu'Allah l'a gréé, qui dit: nous étions avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam en voyage, et il a présidé la prière. C'est-à-dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a présidé la prière. Et il y avait un homme qui s'est mis à l'écart. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam avant la prière à Fouad, Faqal, qu'est-ce qui t'empêche de prier avec nous? Le prophète a dit à cette personne qui s'était mis à l'écart, qu'est-ce qui t'empêche de prier avec nous? Et l'homme a répondu, je suis en état de grande impureté et il n'y a pas d'eau. Le prophète lui a répondu, utilise la terre pure, elle te suffira. Utilise la terre pure, elle te suffira. Donc dans ce hadith-là, on peut retenir deux choses. La première, c'est le fait d'avoir recours au tayammum lorsque il n'y a pas d'eau. Parce que les cas qu'on avait cités, le premier c'était lorsque l'eau est absente, lorsqu'il n'y a pas d'eau. La preuve, c'est le hadith d'Imran ibn Husayn. L'homme a dit, je suis en état de grande impureté et il n'y a pas d'eau. Le Prophète lui a dit, allez qu'à disparaître. Et la deuxième chose que l'on peut retenir de ce hadith, c'est qu'il est autorisé d'utiliser à tayammum que la personne soit en état de grande impureté ou de petite impureté. Parce que malheureusement, beaucoup de personnes croient que tayammum, c'est uniquement lorsque la personne est en état de petite impureté, lorsque la personne n'a pas ses ablutions uniquement. Et les gens croient qu'en aucun cas il est autorisé de faire tayammum pour celui qui est en état de grande impureté, en état de janabah. Ce hadith est une preuve contre eux. L'homme a dit clairement, je suis en état de grande impureté et il n'y a pas d'eau. Le prophète a très bien entendu sa réponse et le dit avec l'Israël. Donc il est autorisé à la personne, même lorsqu'elle est en état de grande impureté, de faire atayamum. Et ça, des fois, il y a des personnes qui ne veulent pas comprendre ça. Ils disent non, c'est pas possible. Je dois me laver. Et le tayamum, il ne va pas remplacer le lavage. Bien sûr qu'il remplace le lavage. Comme il remplace les ablutions, il remplace le lavage. Al-Hadith al-Thani, An-Jabir, radiallahu anhu, قال خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حذر فجشه في رأسه ثم احتلم فسأل أصحابه هل تجدون لي رخصة في التيمم فقالوا ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء فاغتسل فمات فلما قدمنا عليه على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال قتلهم الله ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما الشفاء لعي السؤال إنما كان يكفيه أن يتيمم. حديث حسن. وفيه زيادة منكرة وهي ويعصر أو يعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. قال شمس الحق في العون المعبود رواية الجمع بين التيمم والغسل ما رواها غير زبير بن خريق وهو مع كونه غير قوي في الحديث قد خالف السائر من روى عن عطاء بن أبي رباح فرواية الجمع بين التيمم والغسل رواية ضعيفة لا تثبت بها الأحكام وانتبه للفائدة المذكورة بعد الصفحة. Le second hadith est le hadith de Imran ibn Husayn رضي الله عنه plutôt le hadith de Jabir. Le hadith de Jabir radiallahu anhu qui dit nous étions en voyage avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'un d'entre nous a été blessé par une pierre à la tête. L'un d'entre nous a été blessé à la tête par une pierre. Puis cet homme a fait un rêve érotique. Il a alors demandé à ses compagnons, est-ce qu'il y a une autorisation ou est-ce qu'il m'est permis d'avoir recours à Tayammum? Est-ce qu'il m'est permis d'avoir recours à Tayammum? Cet homme avait peur pour sa santé, avait peur de faire al-Ghusl, sachant qu'il était blessé à la tête. فقالوا ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. Nous ne voyons aucune dérogation à te faire, vu que tu es en possibilité d'utiliser l'eau. فاغتسل فما. Il s'est lavé et est mort. Il s'est lavé puis est décédé. Est décédé des suites de ce lavage. Et lorsque les compagnons sont venus voir le prophète alayhi sallam et que le prophète alayhi sallam a été informé de cette réponse qui a été faite à cet homme, le prophète alayhi sallam a dit qataluhu qatalahum Allah, ils l'ont tué qu'Allah les tue. Ala sa'alu izlam ya'lamu, pourquoi n'ont-ils pas demandé lorsqu'ils ne savent pas? Car la guérison de l'ignorance, c'est de poser des questions. La guérison ou le remède de l'ignorance, c'est de poser des questions. Innama kana yakfihi an yatayammam, il lui suffisait tout simplement de faire at-tayammum. Dans ce hadith, les savants l'utilisent beaucoup pour répondre et pour mettre en garde contre ceux qui parlent sans science. Contre ceux qui parlent sans science et qui font plus de dégâts qu'ils n'imaginent. Et les savants, rahimahumullah, les anciens et les contemporains, accentuent sur ce point. Lorsqu'une personne n'a pas de science, il ne lui est pas permis de parler. Pourquoi? Car celui qui parle de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, il parle au nom d'Allah. Il parle au nom d'Allah. Et l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, a même fait un livre qu'il a appelé I'lam al-Muwaqqi'in an Rabb al-Alami. Il a appelé son livre un appel à ceux qui I'lam al-Muwaqqi'in, ceux qui al-Muwaqqi', c'est celui qui signe. C'est celui qui signe. Une personne qui parle de la religion d'Allah, c'est comme s'il tamponnait. C'est comme s'il signait. Et il atteste qu'Allah a dit ça. Lorsqu'il est questionné, qu'il répond, c'est comme s'il avait attesté, qu'il avait cacheté qu'Allah a dit ça. Imaginez une personne qui atteste qu'Allah a dit une chose alors qu'Allah ne l'a jamais dit. Qui atteste que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit une chose alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a jamais dit. Et Allah subhanahu wa ta'ala interdit de parler sans science dans le Coran lorsqu'il dit وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادِ. Et ne t'aventure pas dans ce dont tu n'as pas de science. إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادِ. Car la vue, l'ouïe et la bouche seront tous questionnés. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi dans un autre verset, le sens du verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit, ne vous empressez pas de dire que telle chose est halal ou haram, de peur de mentir sur Allah. Et taftaru ala Allah al-kadhib. De peur de mentir sur Allah. Et quel pire mensonge il y a que de mentir sur Allah. Donc c'est un point très important que chacun d'entre nous doit avoir dans son esprit lorsqu'une personne lui pose une question, de ne pas s'empresser de répondre facilement. Et toujours de réfléchir et de savoir que la réponse que cette personne va donner, c'est comme si elle signait et elle attestait qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a bel et bien. Et dans ce hadith, on retient l'autorisation d'avoir recours au tayammum lorsque la personne n'est pas en capacité d'utiliser l'eau, alors que l'eau est présente. Et ensuite, le cheikh a mis en annotation bien une version de ce hadith qui dit ويعصر أو يعصب على جرحه ثم خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. Et dans une autre version, il est dit, il lui suffisait, ou plutôt, ce qu'il aurait dû faire, c'est de prendre une serviette ou un chiffon ou un pansement, de le serrer sur sa tête, ensuite d'essuyer sur ce pansement et de laver l'ensemble de son corps. C'est une riwaya rapportée par Abu Daoud et d'autres, et le cheikh dit que cette riwaya, celui qui explique Sunan Abi Daoud, Shamsul Haq, dans son livre Abdul Ma'boud, le cheikh Sunan Abi Daoud, dit que cette version n'est pas authentique. Que cette version n'est pas authentique, qu'elle est faible. Et al-haqiqa, les savants ont divergé sur cette version. Car en prenant en considération cette version ou non, derrière il y a des jugements. Et les jugements, inchallah, on va en parler un peu après. Mais sachez que cette version, certains savants la considèrent comme bonne, donc acceptable. D'autres savants considèrent qu'elle est faible. Ceux qui disent qu'elle est faible, ils disent que la faiblesse de cette riwaya, même si elle est venue de plusieurs chemins, mais la faiblesse est grande. Le hadith shadid al-ba'f, et le hadith shadid al-ba'f la yataqawwa bi kathrat al-turuq. Le hadith qui vient avec une version qui est très faible, les versions très faibles ne peuvent pas se renforcer entre elles. Ça, c'est une règle dans la science du hadith. Des versions qui sont faibles, très faibles, ne peuvent pas se renforcer entre elles, mutuellement. Contrairement aux versions qui sont faibles, tout court, il y en a qui sont wa'ifa, mais non shadid al-ba'f, lorsque plusieurs versions viennent, chacune est faible, ce grand nombre de versions qui vient de différents chemins rend cette version bonne et acceptable. D'accord ? Et c'est là où il y a la divergence, sur ce hadith. Certains savants disent que ces versions sont très faibles, donc que même si elles sont nombreuses, elles ne se renforcent pas. Elles ne pourront pas atteindre le degré de hasan, le degré de bon. Et les autres savants disent non. Elles sont faibles, effectivement, mais leur faiblesse n'est pas grande, n'est pas forte, donc leur quantité, leur grande quantité, renforce leur crédibilité, et donc la riwaya est acceptable. Et ceux qui considèrent cette riwaya comme acceptable autorise, par exemple, d'essuyer sur le plâtre, d'essuyer sur un pansement. Une personne qui a un plâtre au bras, les savants qui considèrent cette version comme bonne vont autoriser à la personne d'essuyer sur le plâtre et de laver l'ensemble de ses membres pendant ses ablutions. Et les autres savants qui ne considèrent pas cette version comme bonne, comme Cheikh Al-Albani rahimahullah, ils disent non. Il n'est pas autorisé d'essuyer sur le plâtre ou sur le pansement. Pourquoi ? Car il n'y a pas de preuve. Il n'y a pas de preuve authentique. Vous avez saisi ? La base, c'est le premier hadith. La base de toute cette explication, c'est le premier hadith. C'est-à-dire ? Le premier hadith véritable. Pourquoi l'homme est... Non, le hadith que je vous ai cité, le premier hadith que je vous ai cité, il est authentique, celui-ci. Et lorsque le prophète a dit il n'a pas qu'à écrire un tayammum, il lui suffisait de faire un tayammum. Cette version, elle est authentique. Mais il y a une autre version où le prophète aurait dit il lui aurait fallu mettre un pansement sur sa tête, essuyer sur ce pansement et laver l'ensemble de son corps. Vous avez saisi ? طيب للثالث حديث عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه لما بعث في غزوة ذات السلاسل قال احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد ف فأشفقت إذا إني اغتسلت أن أهلك أن أهلك فتيممت ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح. فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا ذلك له فقال يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب؟ فقلت ذكرت قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فتيممت ثم صليت فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. حديث صحيح رواه أبو داود والحاكم والإمام أحمد في مسنده. Le troisième hadith, hadith de Amr ibn al-As, qu'Allah l'agréé, a dit lorsqu'il a été envoyé dans la bataille de Zat al-Salasil. Qui connaît la bataille de Zat al-Salasil? La bataille des chênes. Non, c'est pas la bataille. Il y a certains savants qui ont dit que c'est la bataille des chênes, mais non, c'est pas la bataille des chênes. Il a enchaîné tous les soldats, je crois. Certains savants disent ça, mais c'est pas l'avis le plus sûr. Ça, tu la connais, ça. Oui. Mais certains savants disent que c'est parce que dans cette bataille, les compagnons ont enchaîné les prisonniers. Donc, de ce fait, elle a été appelée la bataille des chênes. Parce que Salasil en arabe, c'est le pluriel de chênes. Mais à tout cela, c'est. Le prophète salam, avait entendu qu'une armée de non-musulmans avait l'intention d'attaquer Médine. Le prophète salam, a envoyé Amr ibn al-As pour aller à la rencontre. Et Amr ibn al-As est parti avec 300 personnes, avec 300 soldats, avec 300 compagnons. Et arrivé à proximité de l'ennemi, des informations lui sont parvenues sur le nombre de ses ennemis. Et Amr ibn al-As avait constaté que leur nombre était très très important. Il a alors demandé, il a alors envoyé un homme, un compagnon, chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui demandant de l'aide et du renfort. Et le prophète alayhi salatu wasalam lui a envoyé Uqba avec 170 hommes. Et la bataille a lieu dans un endroit où il y avait un fleuve appelé Salsal, ou d'autres l'appellent Sulsal. Et la bataille a eu lieu dans cet endroit-là. D'où le nom Zat al-Salasil. D'où le nom de la bataille de Salasil. Et Uqba, le prophète alayhi salatu wasalam, lorsqu'il a envoyé Uqba ibn Amir, il lui a dit, il a ordonné à Uqba ibn Nafir de ne pas se diverger avec Amr ibn al-As. Parce que Amr ibn al-As, il est parti avec une armée. Donc c'était lui l'amir. Et le prophète alayhi salatu wasalam a envoyé Uqba avec une armée. Donc c'était lui l'amir de son armée. Et le prophète alayhi salam lui a dit voilà tartalisa, ne vous divergez pas. Et lorsque Uqba ibn Amir est arrivé à la rencontre de Abdullah ibn Amr al-As lui a dit tu es venu en renfort, donc tu es sous mon commandement. Et Uqba ibn Amir a s'est rappelé de la parole du prophète et a obéi à Abdullah ibn Amr. Et à l'époque, le chef de l'armée, c'était lui qui présidait la prière. Al-Amir, c'est pas l'Amir seulement, il donne les commandements, il est dans son QG entre guillemets, en train de tout planifier. Non, l'Amir, c'est l'Amir dans tout. C'est lui qui commande l'armée, c'est lui qui donne les ordres, mais c'est aussi lui qui préside la prière. Et justement, c'est pour avoir un peu, pour situer le hadith. Et donc ça c'est le hadith de Abdul Al-As a dit lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé dans la bataille de Zat al-Salasil, il dit ihtalamtu, j'ai fait un rêve érotique fi laylatin baridatin shadidatil bard, j'ai fait un rêve érotique dans une nuit qui était extrêmement froide, pendant une nuit où il y avait un froid très important. Fa ashfaqtu min irtasal wa ahli, et j'ai réfléchi et je me suis dit que si je me lavais, j'allais mourir. Que si je faisais le ghusl dans un froid comme celui-ci, j'allais mourir. Fatayammam, j'ai alors fait le tayammum. Puis, j'ai prié. J'ai présidé la prière. Puis, j'ai présidé la prière. Pourquoi ? Parce que c'était la mienne. J'ai présidé la prière de Sobh. Et lorsque l'on est revenu de la bataille, certains sont partis voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lui ont dit que Amr ibn al-As, une nuit ou un matin à l'heure de Sobh, a été en état de grande impureté, ne s'est pas lavé, mais a fait tayammum. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: oh Amr, tu as prié, tu as présidé la prière alors que tu étais en état de grande impureté. Et Amr ibn al-As a dit, et j'ai répondu au prophète sallallahu alayhi wa sallam, je lui ai cité le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit: wala taqtulu anfusakum inna Allah kana bikum rahima, et ne tuez pas vos personnes, Allah est envers vous très miséricordieux. Ne tuez pas vos personnes, Allah est envers vous très miséricordieux. Fatayammam tu summa sallay. Ensuite j'ai fait un tayammum et j'ai prié. Fadahika Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a souri ou a rigolé et il n'a rien dit d'autre. Autrement dit, le prophète a approuvé la réponse de Amr ibn al-As et a approuvé aussi le jugement et la chose qu'il a faite. Et la sunna, elle se divise en trois. Il y a la sunna al-qawliya, la sunna al-fi'liya, la sunna al-taqririya. La sunna se divise en trois. Il y a la sunna verbale. Il y a la sunna par les actes et il y a la sunna par approbation. Une sunna, c'est tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait et tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a laissé faire. Vous pouvez l'apprendre comme ça. Tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, a fait ou a laissé faire. Et entre autres, ce hadith, c'est une preuve du troisième point. C'est une preuve que la sunna, c'est aussi ce que le professeur Salman a laissé faire, entre autres ici. Et dans ce hadith de Amr ibn al-As, radiallahu anhu, on retient deux choses. On retient premièrement l'autorisation d'utiliser l'eau, parce que c'est le but d'utiliser le tayammum, donc c'est le but de ce hadith, d'utiliser un tayammum lorsque l'eau est présente et la personne est en incapacité de l'utiliser par peur pour sa personne, mais pour cause de grand froid. Parce que le deuxième hadith, l'eau elle était présente, d'accord, l'homme ne l'a pas utilisée. Plutôt l'homme, et le professeur lui a autorisé de ne pas utiliser l'eau parce qu'il était blessé. Et la blessure, on peut la comparer à la maladie. D'accord ? Et quelle est la preuve que même quand il y a un grand froid, il nous est autorisé de faire un tayammum, même quand il y a de l'eau ? C'est le hadith de Amr ibn al-As. Et dans le hadith de Amr ibn al-As, il y a aussi une autre faïda, il y a aussi une autre chose qu'il faut retenir. C'est l'autorisation pour celui qui est en état de tayammum de présider la prière de ceux qui ont fait la ablution. Parce que certains vont vous dire, oui, tayammum, tout le monde est d'accord, on a le droit de le faire. Mais celui qui a fait tayammum, il n'a pas le droit d'être imam. Soit tous ceux qui sont derrière lui ont fait tayammum, dans ce cas-là, c'est autorisé. Ou sinon, celui qui fait tayammum, il n'a pas le droit de présider la prière. Alors que derrière lui, il y a des personnes qui se sont lavées avec de l'eau. Certaines personnes vont dire ça. C'est vrai ou c'est faux? C'est faux. C'est faux. Non. La preuve, c'est le hadith de Umar ibn al-Khattab. Il a fait tayammum, il a présidé la prière, et derrière lui, la totalité des compagnons qui étaient derrière lui, eux, se sont lavés avec de l'eau. Donc il est autorisé, une personne qui a fait tayammum, de présider la prière. ما هو الصعيد؟ في لسان العرب الصعيد الأرض وقيل الأرض الطيبة وقيل هو كل تراب طيب. وفي التنزيل أي في القرآن فتيمموا صعيدا طيبا. قال أبو إسحاق الصعيد وجه الأرض. وعلى الإنسان نضرب بيديه وجه الأرض ولا يبالي أكان في الموضع تراب أم أو لم يكن، لأن الصعيد ليس هو التراب إنما هو وجه الأرض ترابا كان أو غيره. قال ولو أن أرضا كانت كلها صخرا لا تراب عليه ثم ضرب المتيمم يده على ذلك الصخر لكان ذلك طهورا إذا مسح به وجهه. انتهى. Donc ici le cheikh donne la définition de al-sa'id. Ma huwa al-sa'id? Il dit qala fi lisan al-arab. Lisan al-arab, c'est une encyclopédie de la langue arabe appelée la langue arabe, lisan al-arab, qui est à peu près il doit y avoir une vingtaine de volumes. Et dans cette encyclopédie, tous les termes, yani la plupart des termes de la langue arabe sont expliqués. Tant au niveau étymologique, le sens, les différents sens de ce terme, et avec la preuve, avec à l'appui des preuves de poètes et de grandes personnalités du monde arabe. Les scènes de l'arabe, je ne me rappelle plus du nom de l'auteur. La particularité de l'essai de l'arabe, pour ceux qui font des recherches, la recherche se fait avec la dernière lettre du mot. Par exemple, celui qui veut regarder la définition de Coran, s'il va voir dans Qaf, il ne va jamais trouver Coran. Il faut qu'il regarde Nun. Et dans Nun, il va trouver le mot Coran. C'est la particularité de l'essai de l'arabe, il faut la connaître. Donc, dans l'essai de l'arabe, la définition qui est donnée de Sa'id, As-Sa'id al-Ard, As-Sa'id c'est la terre. Il a été dit aussi, c'est la terre pure. Il a été dit également, c'est toute la poussière pure. Et dans le Coran, Fatayammamu Sa'idan Tayyiba. Fatayammamu Sa'idan Tayyiba. Essuyez-vous avec la terre pure. Et Abu Ishaq a dit, As-Sa'id c'est la surface de la terre. Et la personne, donc plusieurs définitions dans l'islam arabe, et la personne, lorsqu'elle veut faire la tayammum, elle frappe la terre avec ses mains, la surface de la terre, sans faire attention s'il y a de la poussière ou non. Car as-sa'id, ce n'est pas la poussière, c'est la surface de la terre. Que cette surface soit recouverte de poussière ou non. Et quand on parle de poussière, ce n'est pas la poussière qu'on voit dans nos maisons, c'est la poussière de la terre. Vous avez compris? Il y a la poussière de la terre, il y a la poussière qu'il y a dans les maisons, dans les meubles, etc. Il ne faut pas comparer ces deux choses. قال ولو أن أرضا, et même si une terre était recouverte de roches, sans que ces roches ne soient recouvertes de poussière, il est autorisé d'essuyer. Il est autorisé à celui qui fait le tayammum d'essuyer dessus. Et ça, c'est l'avis le plus sûr, inshallah tabaraka wa ta'ala, parce que certains savants donnent comme condition pour faire un tayammum, c'est qu'il y ait de la poussière sur la terre. C'est qu'il y ait de la poussière sur la terre. Et la preuve, c'est que le prophète alayhi salam a tapé la terre, ses mains sur la terre, puis a soufflé. Il a soufflé sur ses mains pour enlever la poussière. Puis il a essuyé son visage et ses mains. Et certains savants ont donné comme condition pour faire un tayammum que l'endroit où tu poses tes mains, l'endroit où tu essuies, doit être recouvert de poussière. Pourquoi? Car le prophète avait soufflé sur ses mains. Et d'autres savants, la plupart, disent que la poussière, ce n'est pas une condition. La condition, c'est as-sa'id. Il faut que ce soit à la surface de la terre. Il faut que ça en fasse partie. Que ce soit une roche ou autre. Et Cheikh Al-Albani, rahimahullah, a été questionné sur le fait d'essuyer sur un rocher. Et Cheikh Al-Albani, rahimahullah, a dit ولو نزل عليه المطر. Cheikh Al-Mahdi lui a répondu, même s'il a plu juste avant. Je comprends la réponse de Cheikh. Même s'il a plu juste avant, c'est-à-dire, oui, il est autorisé d'essuyer sur un rocher, même si juste avant il a plu et que cette pluie a enlevé toute la poussière qui était dessus. Yani même si la roche ou le rocher est nickel, yani. Parce que lorsque la pluie passe dessus, il n'y a plus de traces de poussière. Non. Et Inch'Allah, c'est la vie le plus sûr. C'est que le fait qu'il y ait de la poussière sur la terre, ce n'est pas une condition pour essuyer dessus et faire terre. صفة التيمم. La description du tayammum. عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال أجنبت فلم أصب ماء فتماعكت في الصعيد وصليت فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما كان يكفيك هكذا. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. حديث صحيح متفق عليه رواه البخاري ومسلم. La description de Tayammum, selon Ammar ibn Yasir, il dit, j'étais en état de grande impureté et je n'ai pas trouvé d'eau. Fatama'aktu, wa fi riwaya fatamarraghtu, kama tamarraghu ad-dabba. Et fatama'aktu, ça veut dire je me suis vautré. Vous connaissez le mot vautré? Il s'est enroulé, yani il s'est allongé par terre. Et faisait des roulades. Il y en a pour que tout son corps soit recouvert de terre. Il y en a pour que tout son corps touche la terre. Comme les animaux. Comme les animaux. Dans une réunion, justement, dans une autre version, Fatamarrartu kama tamarraru ad-dabba. Et je me suis vautré comme se vautre un animal. Puis j'ai prié. Et j'en ai informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète alayhi wa sallam lui a répondu, innama kana yakfik hakaza. Il te suffisait uniquement de faire comme ceci. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam darab an-nabi sallallahu alayhi wa sallam bikaffayhi al-ard. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a frappé la terre avec ses deux mains. Wa nafakha fihima. Ensuite, il a soufflé dessus. Thumma masaha bihima wajhahu wa kaffayhi. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a essuyé son visage avec ses mains. Et ensuite a essuyé ses mains. Donc il a commencé par le visage et l'a suivi par ses deux mains. Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc ça c'est la description du tayammum. Donc dans ce hadith, le tayammum, il suffit de frapper la terre une seule fois. Dans le hadith, le prophète a frappé une seule fois. C'est une sunna de souffler dessus, sur les mains, après avoir frappé la terre. Et en frapper la terre, c'est pas frapper la terre, c'est poser dessus et frotter un petit peu. Et ensuite, le prophète a essuyé son visage et ensuite ses mains. Il a essuyé ses mains, c'est pas il a essuyé ses bras. Le prophète a essuyé ses mains et pas ses bras. Vous allez voir qu'il y a des personnes qui vont faire le tayammum comme ça. Ils vont commencer par leurs bras, pas commencer par le visage, et ensuite ils vont commencer par les bras. Ils vont commencer par les bras, il y en a tous les bras, il y en a même qui font le dos entier. Ils simulent les ablutions. Ils passent leurs mains sur leur tête, sur leurs oreilles, dans leur bouche, leurs pieds. Non. Le tayammum, c'est quelque chose de très simple. C'est une rukhsa. C'est une dérogation de la religion. Et une rukhsa. On a une rukhsa à la base, c'est pour faciliter les gens. Alors si les gens se compliquent la vie, c'est un problème. Al-tayammum, la personne frappe le sol, souffle dans ses mains, les passe sur son visage, essuie ses mains, voilà, terme d'état de pureté. Auparavant, tu étais en état de grande impureté ou en état de petite impureté, après avoir fait tayammum, tu es pur. Comme un autre musulman, exactement pareil. Et tu peux faire tout ce qu'une personne qui a fait le wudu peut faire. Tu peux prendre le mutahhar, tu peux faire tes prières, et en des prières, tu peux faire toutes tes prières avec un seul tayammum. Tu n'es pas obligé de faire un tayammum avant chaque prière. Certaines personnes vous disent, non, mais tayammum, c'est pas comme l'eau, si tu fais la prière, il faut faire un tayammum avant chaque prière. Apportez vos preuves si vous faites partie des vérités. Fa'idah, al-aslu في التيمم أنه قائم مقام الوضوء فيباح به ما يباح بالوضوء ويجوز قبل دخول الوقت كما يجوز الوضوء ويصلى به ما شاء كما يصلى بالوضوء. Donc là c'est une remarque que le cheikh a apporté. Il dit la base dans At-Tayammum c'est qu'il prend la place de l'wudu. Donc At-Tayammum prend la place de l'wudu. Il est autorisé à la personne qui a fait At-Tayammum de faire ce qu'il est autorisé de faire, ce que la personne qui a fait les ablutions a le droit de faire. Et il est autorisé aussi de faire At-Tayammum même avant l'entrée de l'heure. Même avant l'entrée de l'heure. Yani, si toi tu as l'intention de prier à l'Asr, qui est aujourd'hui à 15h, tu as le droit de faire le tayammum à 14h. D'accord ? Certaines personnes vont vous dire, le tayammum il faut que tu le fasses juste avant de faire la prière. Non, c'est pas vrai. Tu as le droit de faire le tayammum quand tu veux. Même si tu le fais le matin après, avant Soukh, et tu es resté en état de pureté jusqu'à l'Aïcha, il n'y a pas de problème. Le cas, quel est le cas où les savants disent que la personne doit faire à l'eau juste avant la prière? De l'eau. Hein? Il y a retrouver de l'eau avant la prière. Non, des cas précis autres que, qui n'ont pas rapport avec le tayammum. Al-Mustahaba. Et ceux qui sont dans le même jugement que le Mustahaba. Comme les hommes, par exemple, qui sont incontinents. Ceux qui sont incontinents, ils ne peuvent pas se retenir et ils peuvent même uriner pendant qu'ils font la prière. C'est une maladie, ils ne peuvent rien faire. Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Il sera obligé de l'urine sera obligé de sortir parce qu'il ne peut pas retenir même pendant sa prière. Qu'est-ce qu'on lui dit à cette personne? Les savants lui disent, ils disent de se laver juste avant, de se protéger, de mettre un obstacle, de mettre une serviette ou autre qui protège, de faire les ablutions juste avant de faire la prière et de faire sa prière et de la considérer comme valide même s'il sait et il sent que l'urine sort. Donc ça c'est des cas où il est où les savants disent que la personne doit le faire juste avant de faire la prière. Mais concernant le tayammum, il ne faut pas comparer ce cas avec le cas du tayammum. Et il peut prier ce qu'il veut comme s'il était en état d'ablution, c'est-à-dire qu'il peut même faire le nawafil, il peut même faire des prières surérogatoires, parce que certains croient que tu fais tayammum, tu fais que la prière obligatoire parce que tu es obligé de la faire, mais les autres tu ne dois pas les faire parce que tu n'es pas obligé. Attends jusqu'à ce que tu retrouves de l'eau et tu fasses des ablutions. Non, après tu as le droit de faire les nawafil que tu veux en état de tayammum. Donc c'est voilà pour plusieurs prières. De dos jusqu'à là, c'est comme tu veux. À partir du moment, il est valable jusqu'à ce que tu repères encore tes ablutions. À condition de ne pas avoir perdu, à condition de ne pas avoir perdu. Une seule fois, ça suffit. Nawaqidu. Yanqudu tayammum ma yanqudu l'wudu. Wa yanquduhu aydan wujudu l'ma' liman faqada. Wa l'qudratu ala isti'malihi liman ajiza anha. وما مضى من صلاته فصحيح لا تلزمه إعادته. Les choses qui annulent at-tayammum, les choses qui annulent at-tayammum, les choses qui annulent at-tayammum sont les choses qui annulent al-wudu, sont les choses qui annulent les ablutions. Et ça on les a vu, les choses qui annulent les ablutions. Je vais pas vous demander parce que je vais avoir mal au cœur, mais je considère que vous les connaissez. Donc ce qui annule le tayammum, c'est ce qui annule les ablutions. Également, ce qui annule at-tayammum, c'est l'apparition de l'eau pour celui qui ne l'avait pas. Donc celui qui a fait at-tayammum parce qu'il n'y avait pas d'eau, d'accord, son tayammum devient nul à partir du moment où l'eau est présente. D'accord, vous avez compris? والقدرة على استعماله لمن عجز عنه. نعم. إذا أحكى التيمم في الغسل بكثرة الماء، أدعو فعل الغسل. أدعو فعل الغسل. نعم. إيش اللي أم بريير؟ On va en parler ça, inchallah. Après c'est pas, après c'est pas. C'est même conscient que ça va être trop froid et après un moyen pour réchauffer l'eau. Ça doit réchauffer l'eau. Là, justement, c'est ce qu'on va dire là. Et pour celui qui a utilisé tayammum parce qu'il était dans la capacité d'utiliser l'eau, son tayammum devient nul à partir du moment où il lui est possible d'utiliser l'eau. Vous avez compris ? On avait dit les cas dans lesquels il est autorisé d'utiliser tayammum, c'est soit il n'y a pas d'eau, soit la personne, l'eau est présente et la personne ne peut pas l'utiliser, soit par grand froid ou par maladie. À partir du moment où une personne n'est plus malade et qu'elle peut utiliser l'eau, là, le tayammum devient nul. وَمَا مَضَى مِنْ صَلَاتِهِ فَصَحِيحٌ لَا تَلْزَمُهُ إِعَادَتُهُ. Et celui qui a prié et ensuite l'eau est apparue ou il a eu possibilité de l'utiliser, sa prière est valide. Sa prière est valide. Et le chef va citer la preuve. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيدا طيبا فصليا ثم وجد الماء في الوقت فأعاد أحدهما الوضوء والصلاة ولم يعد الآخر ثم أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال للذي لم يعد أصبت السنة وأجزأتك صلاتك وقال للذي توضأ وأعاد لك الأجر مرتين حديث صحيح رواه أبو داود والنسائي. لأخذ الحديث السعيد المخرج أبي سعيد الخدري عفوا كالله لقريه lorsqu'il dit deux personnes sont parties en voyage et à l'heure de la prière ils n'avaient pas d'eau en leur possession. Ils ont alors tous deux fait atayammum avec de la terre pure, puis ont prié. Et ensuite, après avoir prié, ils ont trouvé de l'eau pendant l'heure de la prière. ثُمَّ وَجَدَ الْمَاءَ فِي الْوَقْتِ أي في وقت الصلاة. Il y a une personne qui a prié l'Asr à 15h, d'accord ? Et à 16h, il a trouvé de l'eau. Est-ce que 16h, c'est encore l'heure du Asr ou pas ? C'est encore l'heure du Asr. Qu'est-ce qu'il fait ? C'est ça la question. Est-ce que son tayammum, est-ce qu'il est valide ou pas ? Il n'est plus valide. Mais la prière qu'il a fait avant, est-ce qu'elle est valide ou pas ? La réponse, elle est là. Donc c'est pour vous situer. فَأَعَادَ أَحَدُهُمَ الْوُضُوءَ. Et lorsqu'ils ont trouvé l'eau, alors que c'était encore l'heure de la prière, l'un d'entre eux a refait ses ablutions et a refait la prière. Et l'autre n'a rien refait. L'autre n'a rien refait. N'a pas refait sa prière. Puis ils sont partis voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui ont rapporté le fait. Et le prophète alayhi wa sallam a dit à celui qui n'a pas recommencé sa prière, asabta sunnah. Tu as accompli la sunnah. Si on veut traduire textuellement, yani, tu as atteint la sunnah en plein dans le lit. Yani, tu as atteint la sunnah là où il fallait. Et ta prière te suffit. Yani, la première prière que tu as faite, elle te suffit. Yani, elle est valide. وقال للذي توضى وأعاد لك الأجر مرتين. Et il a dit à celui qui a refait ses ablutions et sa prière, le prophète عليه الصلاة والسلام lui a dit لك الأجر مرتين. Tu as la récompense double. Hadith authentique rapporté par Abu Daoud. فإذا من كان به جرح قد لثه أو كسر قد جبره فقد سقط عنه غسل ذلك الموضع ولا يلزمه المسح عليه ولا التيمم له. برهان ذلك قول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وقول رسول صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم فسقط بالقرآن والسنة كل ما عجز عنه المرء وكان التعويض منه شرعا والشرع لا يلزم إلا بقرآن أو سنة ولم يأتي قرآن ولا سنة لتعويض المسح على الجبائر والدواء من غسل ما لا يقدر على غسله فسقط القول بذلك. Donc une remarque qu'apporte le cheikh, il dit, lorsqu'une personne, ou plutôt celui qui a une blessure, qu'il a recouverte d'un pansement, ou celui qui a une fracture qu'il a recouverte d'un plâtre, il lui est فَقَدْ سَقَطَ عَنْهُ غُسْلُ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ. Le lavage de cet endroit lui est ôté et il ne lui est pas obligatoire ni de suyer dessus ni de faire التَيَمُّم dessus, التَيَمُّم لَا. Sur ce sujet, les savants ont divergé. Celui qui a un pansement ou celui qui a un plâtre, les savants ont divergé. Certains savants disent que la personne, on va prendre l'exemple d'une personne qui a un plâtre au bras. Celui qui a un plâtre au bras, certains savants vont dire que la personne fait ses ablutions normalement, sauf que l'endroit du plâtre, elle l'essuie dessus. D'accord ? Et la preuve, c'est le hadith, la version qu'on avait citée avant. Le prophète sallam a dit à l'homme qui avait une blessure à la tête, il lui suffisait de mettre un pansement sur sa tête, d'essuyer dessus, et ensuite de laver l'ensemble de son corps. Donc ça, c'était pour les savants qui considèrent cette version comme bonne. D'autres savants, comme Cheikh Al-Albani, rahimahullah, donc les premiers, ceux qui autorisent d'essuyer dessus, sont la plupart des savants, le mot ulama. Cheikh Ibn Baz, Cheikh Ibn Uthaymeen, Cheikh Al-Fawzan et d'autres autorisent d'essuyer sur le plâtre, yani, en prenant en considération la version du hadith. D'autres savants comme Cheikh Al-Albani, comme l'imam Al-Hazm, eux disent que la version est faible, donc le hadith ne doit pas être mis en pratique, donc il n'est pas autorisé d'essuyer sur le plâtre. Il n'est pas autorisé d'essuyer sur le plâtre. Et il n'y a pas de tayammum. Pourquoi ? Parce que d'autres savants disent que la personne fait ses ablutions, elle n'essuie pas sur le plâtre, mais elle doit faire le tayammum pour compenser le bras qui n'a pas été lavé ni essuyé. Et c'est l'avis le plus faible de rassembler Al-Wudu et Al-Tayammum. Ça, c'est l'avis le plus faible parce qu'il n'y a aucune preuve. Il n'y a aucune preuve si ce n'est l'analogie, si ce n'est l'ijtihad. Et donc là, c'est à vous de choisir. Soit vous voulez essuyer en prenant en considération l'avis des savants qui rendent la version bonne et donc qui l'autorisent d'essuyer, ou bien de prendre l'avis de ceux qui disent que la version est faible. Et donc de ne pas essuyer et aller de considérer ce bras comme étant amputé. Aller de considérer ce bras comme étant amputé. Et aller ni tu l'essuies ni tu fais TM, tu fais comme si il n'existait pas. Vous avez compris ? Tu fais le dos jusqu'à cette partie-là et ensuite tu continues le reste. Non. Vous avez compris ? Après, l'avis, moi je ne peux pas imposer d'avis, hein, les deux avis sont très forts, ils ont leur preuve, c'est des grands savants, donc dans des sujets comme celui-ci, la personne doit, je vous ai cité les preuves, ensuite la personne choisit l'avis dans lequel son cœur est le plus apaisé et prend l'avis des savants en quel il a le plus confiance. Voilà. Ça, c'est l'avis de Cheikh Al-Albani. Le hadith est faible. Le hadith où le prophète sallam a dit à l'homme qui était mort, a dit à ceux qui lui ont dit de se laver, le prophète sallam leur a dit il lui suffisait de mettre un pansement sur sa tête, d'essuyer sur son pansement et de laver l'ensemble de son corps. Et donc, parce que lui, à la base, l'homme avait eu une blessure à la tête. Et il propose quoi actuellement sur Al-Bani? Il dit il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Ni le tayammum, ni le même. Non. Et c'est l'avis de Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah. Donc on fait pas les ablutions, j'ai pas compris, on fait pas les ablutions. Tu fais les ablutions, mais là le bras où tu as eu le plâtre, le plâtre, ni tu l'essuies, et ni tu fais tayammum. Et ni tu fais comme s'il était amputé. Et ça, c'est l'avis de Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah. Al-Jabira, al-Hukmu al-Mabtur. Le même jugement que celui qui est amputé. Non. جواز التيمم بالجدار. علي بن عباس قال أقبلت أنا وعبد الله بن يسار مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخلنا على أبي جهيم بن الحارث ابن الصمة الأنصاري، فقال أبو جهيم أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل، فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام. حديث صحيح متفق عليه. Ensuite, le cheikh intitule l'autorisation de faire un tayammum sur un mur. Sur un mur. La preuve est le hadith d'Ibn Abbas, radiallahu anhu, lorsqu'il dit « Je suis parti, moi et Abdullah ibn Yassar, et nous sommes entrés chez Abi Juhayn ibn al-Harith, al-Sammat al-Ansari. Et Abu Juhayn leur a dit, leur a raconté un fait qui est arrivé avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il leur a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam venait de Bi'r Jamal. Bi'r Jamal, c'est un endroit qui est proche de Médine. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam venait de cet endroit et il a rencontré un homme qui l'a salué. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rencontré un homme qui l'a salué. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas rendu le salam jusqu'à ce qu'il ait touché un mur et essuyé son visage et ses mains, et ensuite il lui a rendu le salam. Thumma radda alayhi salam. Car on avait vu dans les cours précédents que, qu'il était détestable de prononcer le nom d'Allah en état d'impureté. On avait cité ça, qu'il était détestable, qu'il n'était pas interdit, mais qu'il était détestable de prononcer le nom d'Allah en état d'impureté. Et As-Salam, c'est un des noms d'Allah. Et le prophète alayhi salam, lorsque cet homme l'a salué, que le prophète alayhi salam n'était pas en état de pureté, il était à proximité d'un mur, le prophète salam a essuyé ce mur, et ensuite a suivi en essuyant son visage et ses mains. Il a fait At-Tayyam. Et les savants ont divergé sur le mur. Est-ce qu'un mur recouvert de peinture, est-ce qu'on a le droit de faire At-Tayyammum avec? Et la plupart des savants l'autorisent. Parce qu'un mur, c'est un mur. Dans le hadith, Aqbala al-Jidar. En arabe, al-Jidar, c'est le Jidar. Ça peut être un mur en terre cuite, ça peut être un mur en ciment, etc. La condition, c'est que ce soit un mur issu dont son matériau est issu de la terre. Et on ne peut pas dire, on ne peut pas autoriser une personne d'essuyer sur un mur de bois, un mur en bois. Le plâtre, là, il faut voir le plâtre, est-ce que là-bas, est-ce que le plâtre vient de la terre? Est-ce que le matériau du plâtre, est-ce qu'il vient de la terre? Le calcaire, ça vient de la terre. Le goudron, là, c'est pas ça, c'est spécifique. Et la condition, c'est que ça vient de la terre. Le plâtre, le ciment, tout ça, ce sont des matériaux qui sont faits à partir de composants qui ont été extraits de la terre. Ce pas de la terre, mais là, on parle du mur. Là, le hadith, il cite le terme de mur. Et Cheikh Al-Albani et d'autres autorisent. Ils ont été questionnés plusieurs fois sur un mur qui a été recouvert de peinture. Par exemple, pour le papier peint, c'est du bois, c'est du papier. Le papier peint? Oui. Non, je ne sais pas le papier peint. Moi, je sais pour la peinture, le papier peint, on va en faire. ونكتفي بهذا القدر صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.